Si on regarde la conscience humaine en relation avec son évolution, son passé, ses souffrances, la façon dont elle a été endormie, on peut dire que un des problèmes structurels de la conscience, c'est l'insécurité. Quand je te regarde de mon point de vue, là, mon expérience, ma fusion, mon contact avec les plans, mon initiation personnelle, ainsi de suite, ce qui ressort de tout ce travail imposé dans une fusion, c'est la conscience de l'insécurité chez l'ego. Donc, c'est pour ça que je dis que pendant l'évolution, on ne réalise pas notre insécurité en tant qu'ego. On en est victime, mais on ne le réalise pas structurellement. Si on pense conscience en termes de structure, comment est-ce qu'elle est modelée, comment est-ce qu'elle est faite, comment est-ce qu'elle se saisit d'elle-même, comment est-ce qu'elle est percutée, percutable, comment est-ce qu'elle est saisissable, comment est-ce qu'elle devient victime. Donc, les structures de la conscience sont très, très reliées au phénomène de l'insécurité. Je veux développer ça avec vous autres parce que c'est important. Puis, il y a une personne parmi vous autres dont je respecte beaucoup le jugement, puis l'intelligence, puis l'acuité intellectuelle. Puis, je lui ai demandé tout à l'heure de me faire une genre d'évaluation de ce nouveau bouquin-là. Puis, elle me dit que ça prend une certaine assise de conscience pour pas trop être percuté par le livre. Parce que l'homme recherche, dans toute son expérience, de manière globale, la sécurité. On se marie, on a des chums, on a des blondes, on a des amours, on a des jobs, on va à l'église, on lit des livres. Tout ce qu'on fait sur la terre, en tant qu'être incarné, c'est pour nous sécuriser. Mais on se sécurise par rapport à des modèles d'évolution qui nous enlèvent la maîtrise de notre énergie. Tout à l'heure, j'ai de l'intérêt contre les artistes puis la musique. C'est évident que c'est un point que je voulais faire. Je ne déblatère pas contre les artistes, je reconnais trop leur importance dans le monde. Je ne déblatère pas contre la musique, je reconnais trop son importance dans le monde. Quand je déblatère, je ne déblatère pas contre une chose. Je déblatère contre un esprit ou l'esprit d'une chose. Pour corriger l'esprit d'une chose dans la conscience de l'homme qui a besoin de voir clair et qui a besoin d'être aidé par des individus qui ont dépassé certains niveaux d'endormitoire sur le plan psychologique. Mais toute l'expérience de l'homme, notre vie de tous les jours, notre quotidien, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, la fin de semaine, tout est connecté au besoin de nous sécuriser. Il faut reconnaître, et on devra reconnaître, et d'ailleurs, dans l'initiation solaire, l'homme sera amené à reconnaître l'importance de l'illusion de la fausse sécurité pour en arriver à se construire un modèle d'évolution personnelle qui est parfaitement sécure, c'est-à-dire dont les structures de conscience sont permanentes, dont les assises se rapportent à lui et non pas aux autres pour ou par rapport à lui. Quand on parle d'évolution, on ne parle pas de l'homme pour l'homme, on parle de l'homme pour les autres âmes. Dans l'évolution, on parle de l'homme pour l'homme. Bon, il y a un déchirement, là. Il y aura un déchirement, là. L'homme de l'évolution vivra le déchirement parce qu'il sera obligé de vivre l'expérience de l'homme pour l'homme. Et dans ce processus-là, dans son nouveau modèle d'évolution, il sera obligé de restructurer sa volonté. Ce que j'appelle restructurer, ce que je veux dire par restructurer sa volonté, ça veut dire se mettre en émission de conscience tout le temps, et de moins en moins en réception de conscience. Non pas dans le sens que réception de conscience, c'est-à-dire relation avec un autre qui nous parle, c'est pas nécessaire, c'est pas dans ce sens-là. Mais dans le sens de ne pas être influencé par un autre. Moi, j'ai pas objection d'être en réception de conscience avec des amis parmi vous autres que je rencontre souvent. Je mentionne Daniel Ménard, par exemple, affiche avec lequel je suis en relation de conscience tout le temps, mais je suis pas influencé. Je garde mon identité. Lui, il n'est pas influencé, il garde son identité. Fait qu'il y a un mouvement, il y a un développement de nous autres qui est constant, mais qui ne nous invite pas, en tant qu'individu, à diminuer notre identité et à éliminer nos assises personnelles. Sans ça, il y en a un autre qui va embarquer sur l'autre, il y a un phénomène de domination, il y a un phénomène d'autorité, puis on retombe encore dans la mégalomanie de l'évolution. C'est ça qui a crevé l'âme. C'est ça qui a empêché l'homme de sortir de son disque dur pour entrer dans son Internet. C'est ça qui a empêché l'homme de savoir et de pouvoir recourir à ses propres ressources. Sans abolir les autres, sans toucher aux autres. Le monde, la planète a son cycle, les races ont leur cycle, les Italiens ont leur cycle. Les Juifs ont leur cycle, les Chinois ont leur cycle, toutes les races ont leur cycle. On comprend ça, on n'est pas des idiots. Mais l'homme a sa pulsion. Et un homme conscient qui a sa pulsion et qui commence à découvrir et à sentir les assises de sa conscience, il commence finalement à avoir un peu de respect pour lui-même. Puis un peu de respect pour soi, c'est le début de l'invitation de l'homme à exercer le droit à sa télépsychie intérieure, c'est-à-dire à sa conversation avec des niveaux de conscience puis d'intelligence qui sont systémiques, c'est-à-dire qui ne sont pas mortels, qui ne sont pas incarnationnels, qui sont totalement morontiels, systémiques, mentaux, architecturaux et parfaits dans le sens que ces forces de lumière, ces êtres de lumière-là n'ont pas de début dans l'expression psychologique d'une volonté personnelle. Ils sont totalement prépersonnels. L'esprit précède le temps. Le temps invite l'esprit à reconnaître sa disposition, sa position, sa hiérarchie parmi des vagues de vie qui constituent essentiellement la création des mondes, la création des âmes, pardon, et le mouvement de ces âmes-là dans des mondes pour qui les âmes sont des forces d'évolution qui permettent la reconnaissance de soi et qui permettent la civilisation de l'âme, donc l'élévation de l'esprit. Mais si on n'a pas, si on n'en arrive pas en tant qu'être à prendre conscience de nos insécurités dans des mouvements extrêmement sensibles de nos vies, on ne pourra pas bénéficier de notre lien avec l'invisible et de ces catégories d'expériences qui sont extrêmement fragiles à un ego réfléchissant, mais qui sont extrêmement percutants pour un ego en évolution. C'est dans ce sens-là que là où vos vies sont touchées par l'émotion, là où l'émotion fait vibrer votre âme, là où l'émotion vous crée de la crainte, là où l'émotion vous rend instable, là où l'émotion semble vous créer une limite, vous devez vous arrêter et prendre conscience qu'il n'y en a pas de limite. À ce moment-là, bien, vous allez commencer à bénéficier de cette énergie émotionnelle-là qui est mise en vibration dans vos corps subtils, à travers des événements, mais qui est invitée par votre esprit, par votre double, pour vous faire évoluer. Sans ça, vous allez toujours demeurer des êtres dont la conscience sera obscure, dont la conscience sera réfléchie, et dont la conscience n'aura aucun remède pour elle-même. Une conscience, c'est une science avancée. Une conscience, ce n'est pas simplement des réactions physiologiques. Une conscience, ce n'est pas simplement des émissions psychologiques. Une conscience, ce n'est pas seulement une pulsion aveugle. Une conscience, c'est une science. C'est une science. Bon, cette science-là, elle est limitée parce qu'la conscience, elle est dans un corps matériel. Il y a des lois matérielles, on a des systèmes nerveux. Il y a des choses qu'on peut prendre au niveau de conscience dans un certain temps, qu'on ne peut pas prendre dans un autre temps. C'est normal. Mais la conscience, c'est une science. Mais ça ne devient pas une science tant qu'on ne s'est pas libéré jusqu'à un certain point, d'une manière suffisamment sensible, de nos insécurités. Il va falloir un jour que l'homme, je parle de l'homme en évolution, je parle de l'homme qui voudra être libre, vous serez obligé de prendre conscience de l'effet de vos émotions sur votre esprit. Si vous ne prenez pas conscience de ceci, vous n'aurez pas la mesure de votre affaiblissement devant les événements et de l'illusion qui découle de cet affaiblissement-là. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas la chance de bénéficier de vos expériences qui, pour un ego évolutif, semblent être terribles, alors que pour un ego en évolution, est réellement le chemin vers sa propre lumière. Bon, c'est évident que ça va prendre énormément de discours, énormément d'écrits, énormément de communication, énormément de temps pour que l'homme en arrive à défricher cette conscience universelle qui est cachée et enfouie en lui un peu dans ses corps subtils, dans son corps matériel. Ça fait partie de l'évolution de la conscience. Ça, c'est pas un problème. Par contre, il va falloir que l'homme commence à un certain moment dans sa vie à prendre conscience que les événements qui ne font pas son affaire sont nécessaires pour restructurer sa conscience et éliminer de sa conscience évolutive les structures affaiblissantes qui ont été responsables pour le développement de sa personnalité et qui ont été à la base de son incompétence psychologique et aussi la raison d'être pour son manque de puissance. C'est la raison pour laquelle on est dans la vie moderne aujourd'hui des numéros. On n'a pas de puissance. Pourquoi? Parce que notre conscience n'est plus une science. Elle est simplement une pulsion psychologique, émotionnelle, qui fait de nous des êtres réellement sans intelligence, sans lumière, sans force, sans direction personnelle. On est toujours poussé. Ça me fait penser un peu à la course des taureaux à Paloma en Espagne. On est poussé par des événements. On n'est pas capable, dans une foule, de prendre une position, puis quand je parle d'une foule, je parle d'une foule d'événements, de prendre une position puis pas broncher. On bronche tout le temps. Les événements nous mettent toujours dans une situation de qui-vive. Et ça, c'est pas normal. On peut faire le constat de ça dans les pays socialistes, dans l'Allemagne du 1939, dans le monde d'aujourd'hui. On est constamment poussé. L'homme ne peut pas être poussé quand il est conscient. Parce qu'il devient, sa conscience devient une science. Ça veut dire quoi, une science? La conscience devenant une science, ça veut dire incapable de s'autodéfinir. Ça veut dire que pouvant s'autodéfinir, elle connaît non pas simplement ses limites, mais elle connaît aussi la surface de son propre agrandissement. Un individu qui est conscient connaît jusqu'où il peut aller dans sa vie parce que ses capacités font partie de sa conscience. Il en est conscient. Il ne se fait pas d'illusions. Une conscience, quand c'est une science, c'est capable de s'autogérer. Un homme conscient s'autogère. Est capable de faire l'autogestion de son énergie émotionnelle, mentale. Fait que quand il vient des événements, il est pas tossé à gauche puis à droite, en haut puis en bas. Il est toujours en position fixe, solide, il bouge pas, mais il prend conscience de ce qui se passe et il intègre l'énergie de cet événement-là. Quand il intègre l'énergie de cet événement-là, ben automatiquement, sa conscience devient plus vibrante et plus vibrante, et c'est ça qu'on appelle le début de l'éveil de soi. Donc, les événements sont extrêmement importants dans ce mouvement-là. Et on doit en arriver éventuellement à les considérer comme ça. Quand l'homme considérera les événements dans sa vie comme étant importants, je ne parle pas des bons événements, ce ne sont pas les bons événements qui sont importants dans votre vie. Ça, c'est un repos pour votre esprit. Les bons événements, ça ne vaut rien. Ce sont les événements qui ne sont pas bons qui ont de la valeur. Parce que ce sont ces événements-là qui créent chez vous un stress psychologique. Vous n'êtes pas stressé quand vous êtes heureux. C'est quand vous êtes malheureux que vous êtes stressé. C'est quand vous êtes malheureux que cette énergie-là, comme un spring, vous permet de développer une énergie en potentiel. Cette énergie en potentiel-là, bien, ça fait partie de la puissance de votre conscience. Puis quand vous en avez besoin de cette puissance-là, bien, elle est là, elle est à votre main, elle est à votre disposition, elle fait partie de votre science, elle fait partie de votre la maîtrise de votre moi, elle fait partie de votre liberté. Mais nous autres, on a été habitués pendant l'évolution à chercher les événements heureux. Au lieu de prendre conscience de l'importance des événements malheureux pour nous libérer, finalement, de la polarité que créent nos émotions et finalement nous rendre libres pour que les événements plus tard nous servent constamment et que l'homme soit toujours bien dans sa peau. Fait que ça a été une grave erreur pendant l'évolution de chercher à être heureux. Ça, il faudrait écrire ça un jour, parce que toute l'humanité cherche à être heureux. Mais c'est passager, ça, être heureux. Alors, l'homme va devoir prendre conscience de la mécanique de sa conscience. Il va falloir qu'il y ait la science de sa conscience. Puis quand tu es conscient, tu ne cherches pas à être heureux. Tu cherches à maîtriser les événements qui viennent et qui percutent contre ta conscience, les maîtriser, et prendre cette énergie-là, l'encapsuler pour qu'elle te serve dans la vie quand tu en as besoin. Un petit peu comme un spring qui a une énergie en potentiel. À ce moment-là, il se crée chez vous une synergie profonde. Et cette synergie, elle est fondée sur deux principes. Elle est fondée sur le principe de l'absence de crainte. Et elle est fondée automatiquement sur l'autre principe de la grande sécurité. C'est quand vous aurez plus de crainte que vous aurez de la sécurité. Mais si vous créez de la sécurité en camouflant vos craintes et en vivant des illusions, bien, quand vous vivrez des événements réellement majeurs, comme des grandes maladies ou des cataclysmes ou des tremblements de terre ou votre maison qui brûle, vous allez vous effondrer. Votre conscience va tomber, va s'effondrer comme un jeu de cartes. Vous n'aurez pas de puissance, vous n'aurez pas de synergie. C'est la condition de l'évolution. Donc le problème de l'homme, ça fait partie d'un conditionnement psychologique, ça fait partie des habitudes de vie de l'évolution. On cherche toujours à être heureux. On aime ça en fin de semaine, parce qu'en fin de semaine, on va aller danser, puis on va chanter, puis on va boire de la bière, puis on va aller au forum voir les héros. Ça, j'ai rien contre ça. Mais si vous n'êtes pas capable d'être bien dans votre peau pendant la semaine, puis vous attendez à la fin de semaine pour être heureux, vous n'en arriverez jamais à développer une synergie. Parce que la journée où le boss va dire, bon, en fin de semaine, il faut que tu travailles, vous allez être fait à l'os. C'est toujours de même. Fait que les événements malheureux, il faut que l'homme, d'ailleurs, ça fait partie de l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre. Ce qui distinguera de l'homme de l'évolution de l'homme de l'évolution, c'est que l'homme de l'évolution, à un certain moment donné, en arrivera à constater que sa vie, elle est constamment mise en vibration. Il n'y a jamais à faire avec eux autres en haut. Il y en a un qui les appelait des Il y en a un qui les appelait comme des pitbulls. Ils n'arrêtent pas une crise de minute. Ils sont toujours après te faire chier tout le temps. Moi, je me rappelle en 69, quand je commençais à leur parler, je disais, Chris, vous dormez jamais, vous autres? Sacrement. Fait que quand tu deviens conscient, mais tu deviens conscient de tout ça, de toujours cette présence-là, parce que là, il se développe une affinité entre les corps subtils. Puis la vibration. Fait qu'à ce moment-là, bien, les événements malencontreux qui faisaient partie de notre existence avant, mais avec lesquels on ne faisait pas de liens, aujourd'hui, on commence à les faire, les liens. Puis là, on commence à s'imaginer que ça va plus mal qu'avant. C'est pas que ça va plus mal qu'avant, c'est que là, on sait que ça va mal. Tandis qu'avant, ben, on ne savait pas. On pensait que ça allait mal, de temps en temps. Là, on sait que ça va mal tout le temps. Puis plus t'es conscient, ça va mal tout le temps. Seulement, ça s'ajuste, puis ça s'ajuste, puis ça s'ajuste. Seulement, il vient un point que tu renverses ça. Moi, dans ma vie, ça va mal tout le temps. Le seul temps, ça va bien, c'est quand je dors, puis encore, c'est plein, ça va mal. Ça va mal tout le temps. Ça n'existe pas pour moi, ça va bien tout le temps. Parce que je suis toujours en transmutation. Par contre, j'en suis arrivé à comprendre que c'est une game. C'est un jeu. Puis quand tu comprends que c'est une game, c'est un jeu, finalement, t'en arrives à un point où tu ne perds plus à la game. T'as la seule différence. J'ai appelé à Toronto hier pour faire une mise à la bourse durant la nuit parce que je travaille sur mon computer et je ne veux pas parler à personne. Fait que je me lève le matin, le gars m'appelle. Il dit, monsieur Intel, il dit, vous avez fait une erreur en faisant votre commande. J'ai dit, OK. Fait que je modifie la commande. Je renvoie la commande. Il me rappelle encore, il dit, monsieur, vous ne pouvez pas modifier la commande, il faut que vous en fassiez une nette. Fait que j'ai dit à eux autres, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, sacrément, mon stock vient de passer de 7 piastres à 8 piastres. Il dit, c'est ta façon d'apprendre. C'est la réponse classique. Mais si je n'étais pas conscient de ça, mais je dirais, je perds de l'argent, je serais frustré, alors qu'étant conscient de ça, puis sachant que la vie est parfaite, c'est-à-dire que tout ce qui se passe entre nous autres ici, puis ce qui se passe entre eux autres là, ça fait partie d'un processus à l'intérieur duquel tu apprends à manipuler les énergies puis les événements. Je sais que ça me permet que tout à l'heure, je vais être assez tourné, que le gars ne m'appellera plus. Là, il va se passer d'autres choses. Mon computer va se fermer quand je vais prendre une commande parce que j'ai frappé le fil en dessous. Je suis descendu à Laval, il y a 5 sur une gosse. J'ai dit, tabarnak, je viens de m'acheter un computer qui m'a coûté X dollars. Là, le computer ne marche pas. Puis j'ai des mouvements à faire sur la bourse. Fait que j'arrive au magasin, puis le gars, il dit, j'ai été dur au gars, toutes mes lumières étaient fermées. Bien, il dit, si toutes tes lumières étaient fermées, c'est parce que ta plug était pas comme il faut. J'ai dit, tabarnak, je suis parti de chez nous pour descendre ici, pour faire ça. Ça, c'est comme quand j'allais voir le curé, puis qu'il je disais que j'avais volé des crayons, puis il me disait, il n'y a rien là. C'est toujours la même affaire. Fait que là, quand j'arrive chez nous, je me fais des hosties. Le bloc qui rentre puis il bouge plus. Fait qu'un jour, ça va se faire tout automatique. Mais si tu comprends pas ça, ben là, tu vis de la frustration. Mais si tu parles avec les chiens, ils te répondent en homme. C'est important quand je vous dis, parce qu'il y a bien du monde, je le sais, ça fait partie des notions occultes qu'on est allé chercher durant l'évolution quand on a lu des livres, là, le conte de Saint-Germain, puis tout ça, tu sais. Les pouvoirs, ils ne nous donnent rien. On va tout chercher tout seul. Fait que les événements qu'on vit, comprenez-les, sont nécessaires. Fait que l'homme conscient va être obligé de s'adapter à une nouvelle forme, de psychologie. Psychologie évolutionnaire. Une psychologie qui va lui permettre finalement de réaliser que les événements qu'il vit sont c'est du théâtre. Puis que quand tu es rendu à un point où tu as dépassé l'infantilisme psychologique de ton ego, tu en arrives à la maturité de ton ego, puis c'est là que tu commences à comprendre que c'est que les affaires sont bien organisées, sont bien faites, puis ça mène quelque part. Ça, c'est comme mon livre, ça. J'avais dit au gars, mets-moi ça doré. J'ai dit, mets-moi le titre doré comme la Genèse. Mais moi, je ne vois pas dans ma tête. Fait que doré, tu sais. J'ai dit, mets-moi ça doré. Pour ne pas faire d'erreur, je dis, mets-le comme la Genèse. Puis, pour une raison ou d'une autre, il l'a tout mis noir. Puis, j'aime mieux ça de même. La vie est parfaite. Il s'est trompé, puis c'est bien. Mais si j'étais inconscient, je dis, rien, je m'en dis, j'ai dit de mettre ça doré. Il ne m'a pas écouté. Il m'a retourné les crises de lit. Mais non, c'est parfait. C'est ça que je voulais. Tu comprends-tu? Fait qu'ils se sont servis de lui pour faire l'erreur, puis que moi, je le voyais comme du monde. C'est toujours le même. Fait que ça a l'air sobre, tu sais, ça a l'air... Il y a un gars qui a une cravate qui écrit ça, tu sais. Avez-vous des questions? Fait que je m'ai bien fâché tout à l'heure pour que je prenne un break. Oui? Ouais, mais lui, un esprit de contradiction. Il est né avec un esprit de contradiction. Ça, il est intéressant. Si jamais vous avez la chance de parler avec lui, bien intelligent. Mais il a un esprit de contradiction né. Il va toujours chercher la bibitte dans le fond de la bouteille. Puis quand il a trouvé la bibitte dans le fond de la bouteille, là, il regarde comme il faut. Puis là, il essaie de la comprendre. Puis plus il regarde, moins il la comprend. Parce qu'éventuellement, il est figé par elle. Elle fige la bibitte. Il est comme avec lui. Mais il est bien intelligent. Mais je vais te répondre à ton enfant. C'était quoi ta question? Quand je dis que c'est un jeu, la vie c'est un jeu, c'est-à-dire que la vie n'est pas parfaite. C'est dans ce sens-là que la vie c'est un jeu. On n'est pas sur le plan moronciel. Sur le plan matériel, la vie n'est pas parfaite, elle ne sera jamais, elle ne l'a jamais été. Par contre, avec l'évolution d'une conscience un peu plus éveillée, l'homme va en arriver à savoir d'abord que c'est un jeu, puis à commencer à comprendre la game. Mais pour réellement comprendre la game, il faut que tu t'en arrives, il faut que l'homme en arrive éventuellement à être conscient des autres plans. Parce qu'on ne peut pas comprendre le jeu de la vie si on n'est pas en communication avec eux autres. Bon, il faut être en communication avec les bons plans aussi, il ne faut pas être en communication avec l'astral, mais ça fait partie de l'évolution de l'homme. Mais une fois qu'on est en communication avec eux autres, qu'on a une conversation assez intelligente, là, parce qu'ils sont réellement emmerdeurs, puis qu'on en arrive à les comprendre, puis à pas confondre ce qu'ils nous disent avec ce qu'on veut savoir, à ce moment-là, on en arrive à pouvoir réaliser que la vie, on peut en avoir une maîtrise. Mais cette maîtrise-là, elle est toujours à la mesure de notre transmutation. Il n'y a pas un homme qui peut avoir la conscience de la vie comme un autre, parce que la vie, la conscience ou la science de la vie est toujours à la mesure de notre transmutation. Par contre, tous les hommes peuvent en avoir une compréhension vibratoire. Tous les hommes. Il n'y a pas un homme sur la Terre, initié ou non, qui a le privilège de comprendre la vie seule. Par contre, un initié peut avoir une compréhension plus subtile de la vie. Mais un être, un mortel, normal, peut avoir une conscience très définie de la vie quand il y a une conscience vibratoire. Et avoir une conscience vibratoire, c'est un rapport avec eux autres. Que vous l'ayez d'une manière ou que vous l'ayez d'une autre manière, c'est sans importance. Mais il faut qu'il y en ait une conscience vibratoire. Puis la conscience vibratoire, c'est l'assise, c'est votre assise, c'est le point de départ de votre certitude mentale. Quand un être humain commence à avoir une certitude mentale, ça fait partie de sa conscience vibratoire. Il n'y a pas de doute d'une conscience vibratoire, je vous l'ai déjà dit, parce que ce n'est pas sujet aux lois de la réflexion. Fait que quand tu l'as, ça, tu l'as, personne ne peut t'enlever, personne ne pourra jamais te l'enlever, tu crèves avec, puis tu te retrouves l'autre bord avec. C'est ça la conscience moroncienne. OK? D'autres questions? Oui? Pardon? Le poison fait partie des structures évolutives de la vie. N'oubliez pas que l'âme, quand elle a été créée pour en arriver éventuellement à descendre dans des mondes un peu plus denses, pour en arriver à prendre conscience, c'est-à-dire à développer une mémoire expérientielle. Ça s'est fait dans des plans ou sur des plans où la relation avec les systèmes systémiques était coupée. Donc, l'âme incarnée, donc sa manifestation égoïque intelligente, n'a jamais été capable de réellement comprendre la vie d'une façon intégrale parce que l'homme n'avait pas contact mental avec les plans. Alors, il s'est glissé pendant l'évolution énormément d'erreurs, ce qui fait partie de l'évolution, c'est l'histoire de l'évolution, et nous autres, on est marqués de ça parce que psychologiquement, on est lié à la race qui a une très grande mémoire et nous autres, en tant qu'individus, on appartient à la race parce qu'on est ses enfants, on est né d'elle. Quand tu viens au monde juif, tu es coloré par la mémoire de la race juive. Quand tu es venu au monde islamiste, tu t'es coloré par la mémoire de sa race. Quand tu viens au monde chinois, c'est la même chose. Donc, on n'a pas de conscience, on n'a pas de conscience en tant que science, on a une conscience qui est simplement le produit de reflets sur nous, constamment. C'est pour ça que la vie est toujours empoisonnée, il est là le poison. Pour qu'on passe à l'antidote, il faut qu'on se reconnecte avec notre Internet, il faut qu'on se reconnecte avec notre source, avec le plan mental. Et à ce moment-là, eux autres sont capables de nous donner une évaluation instantanée dans le temps contemporain où on vit. Autrement dit, s'ils étaient en contact avec un être qui vivait au 8e siècle, ils recevraient dans sa conscience mentale l'équivalent de sa conscience dans ce temps-là. On est en 1995, l'homme reçoit dans sa conscience mentale une équivalence vibratoire qui fait partie, qui est nécessaire à sa conscience aujourd'hui. Si on était dans l'an 2700, on recevrait une vibration dans notre mental équivalent à la temporanéité dans ce temps-là. À ce moment-là, plus on avance dans le temps, ce qu'on appelle l'évolution, plus l'antidote nous permet de contrer les effets obscurs de l'involution. Ça marche? Fait que c'est évident que la façon dont on comprend la vie aujourd'hui, bon, ben, ce qu'on on va, dans 200 ans, on va la comprendre encore mieux, mais les structures sociales, la mémoire de la race, le lien entre l'homme et la mémoire de la race va être sévéré. On regarde nos enfants. Moi, je regarde avec ma fille. Ma fille qui a été éduquée par moi et ma femme dans une conscience un peu plus avancée que celle de l'involution, elle ne peut pas avoir une conscience comme les filles de l'involution parce qu'elle n'a plus les attaches avec la mémoire de la race de l'involution. Fait qu'imaginez-vous dans 200 ans, imaginez-vous quand l'homme va sortir la volonté de son corps, comment est-ce que l'homme va vivre ce contact-là avec les plantes. Une des choses les plus importantes quand on parle du poison de la vie et qu'on parle de l'antidote, il faut considérer que la relation entre les deux, elle est basée sur notre capacité d'intercepter le message qui existe dans notre conscience de manière permanente entre eux autres et nous autres. Le reste, c'est du décodage. On en arrive avec le temps à le décoder. On ne peut pas le décoder tout de suite parce qu'on est très astralisé. Il y a trop d'atmosphère astrale dans notre conscience. Mais avec le temps, on en arrive à ça. Puis éventuellement, on a une conscience très certaine. Notre conscience devient une science. Puis quand notre conscience devient une science, la vie devient très facile. Et à ce moment-là, comme le monsieur disait, la game, elle commence à changer de bord. Elle commence à être sous notre bord et l'homme commence finalement à gagner parce qu'il commence à être libre. OK? Oui. Une âme doit s'incarner pour évoluer parce que pour une âme qui ne s'incarne pas ne... qu'est-ce que dit ça? Un instant. Une âme qui ne s'incarne pas ne bénéficie pas de l'opposition des plans. Par contre, en ne bénéficiant pas de l'opposition des plans, elle ne développe pas une certaine mémoire. En ne développant pas une certaine mémoire, elle n'apprend pas à prendre conscience de ses erreurs. Fait que l'incarnation est importante, la descente dans la matière est importante. Même dans la vie, regardez dans la vie, quand vous travaillez dans des compagnies, vous avez des boss qui n'ont pas d'allure, que vous avez des alliances, des mariages, ou vous avez des gens avec qui vous n'êtes pas en harmonie. C'est le combat, c'est l'opposition qui vous amène à grandir. C'est la même chose pour l'âme. La descente dans la matière, pour l'âme, c'est une opposition. Par contre, quand elle descend, quand elle fait son plan de descendre avant l'incarnation, quand elle est dans le monde astral, ça fait son affaire, l'opposition. Une âme qui s'incarne dans une situation de guerre, quand elle est de l'autre bord, elle est bien contente, c'est quand elle est ici qu'elle est. C'est comme ça que ça marche. Oui? D'autres questions? Y a-t-il d'autres questions, monsieur? Bon, ça c'est une question intéressante. Je vous ai toujours dit, vous ne pouvez pas être intelligent tout seul. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas être intelligent tout seul, puis ça revient un petit peu à ce que vous disiez, c'est que si vous n'êtes pas en relation avec une autre personne, vous n'aurez pas d'opposition. Et si vous n'avez pas d'opposition, c'est que votre esprit va prendre le meilleur. Votre esprit va prendre la position qui le favorise. Alors que si vous êtes en relation avec une autre personne qui est intelligente, si vous dites quelque chose qui n'est pas ajusté, la personne va vous le dire, elle va vous créer une opposition intelligente, créative, et ça va vous faire remarquer des choses que vous n'auriez pas remarquées par vous-même, parce que c'est ça pas votre vibration. Moi, je peux vous assurer une chose, que la personne qui m'a été le plus utile dans ma vie, ça a été ma femme, parce que ma femme m'a mis en opposition. Sinon, j'étais tellement en fusion avec les plantes, j'avais une conscience tellement occulte que mon humanité, ma force humaine, ma force initiatique aurait été aveuglante, elle aurait été trop grande, alors que ma femme, en me mettant en opposition, pouvait me faire réaliser des choses qui faisaient partie du mensonge cosmique que j'aurais jamais découvert. Ça, d'ailleurs, c'est ma femme qui m'a permis de découvrir le mensonge cosmique que j'ai ensuite rendu public pour l'homme. Vous pouvez pas être intelligent seul. Si vous faites l'erreur d'être intelligent seul, un jour, quelqu'un vous fera réaliser l'erreur. Et si l'erreur a duré très, très longtemps, ça va être encore plus difficile pour vous autres de vous en sortir. Ça, c'est bien, bien important. C'est très différent de l'évolution. Vous ne pouvez pas être intelligent seul. Éventuellement, naturellement, vous allez avoir tellement de conscience, suffisamment de conscience, vous allez avoir une conscience très vibratoire, puis à ce moment-là, bien, vous pouvez être intelligent tout seul, dans le sens que vous allez arriver à un point où des erreurs, vous n'en ferez plus quasiment psychologiquement, parce que vos corps vont être ajustés. Mais jusqu'à temps que vos corps soient ajustés, bien, bénéficiez de vos amis qui peuvent vous aider à le faire. Pardon? Ah, ben, il faut que vous ajustiez tout le temps, oui. Parce que si vous ne vous ajustez pas constamment, vous allez tomber dans l'illusion de votre autorité. Vous allez tomber dans l'illusion que vous savez des choses que les autres ne savent pas. Donc, dans un sens, vous allez devenir des petits maîtres. Et si vous devenez des petits maîtres, ben, vous allez répéter encore la même condition de l'évolution. Puis un jour, quelqu'un va vous arriver. Puis ils vont vous fracasser parce qu'ils vont vous faire réaliser que dans l'évolution, il n'y a plus de maître. L'homme est individué. L'homme ne peut plus avoir sur l'autre une position dominante. Ça va être une des grandes caractéristiques de l'évolution. Il n'y aura plus de domination. Alors que le maître, de par sa nature, s'il n'a pas été, ou la personne qui sait quelque chose, si elle n'a pas été ajustée par une autre, éventuellement, elle va dominer dans son environnement. Puis ça, c'est très malsain pour des êtres sensibles, parce que, éventuellement, les êtres qui sont autour de vous, s'ils ressentent la moindre domination, quand ils auront les causes suffisamment subtiles, ils vont s'éloigner de vous. C'est comme ça que ça marche un peu. Moi, mais ça, c'est normal. Vous choisissez les gens, mais oui, vous allez toujours choisir les gens avec lesquels vous êtes les plus adaptés à parler, c'est évident. Sans ça, vous allez créer des chocs pour rien. Il faut respecter les gens autour de soi. D'accord. D'autres questions? Oui? Comme il y a programmation, on ne décide pas qui on rencontre, où et comment. Bon. OK. OK. Il y a des incarnations où il y a une solitude. Si c'est pour se reconnaître ou corriger quelque chose au niveau animé, Vous avez énormément d'occasions de parler. Le problème, c'est que vous ne savez pas comment parler, et parce que vous ne savez pas comment parler, vous repoussez des gens dans votre expérience. Quand les gens me disent qu'ils n'ont pas de personne avec qui parler, pour moi, c'est une observation qui n'est pas réelle parce que c'est très facile de parler à des gens, seulement c'est très difficile de bien parler avec les gens. Et vous allez apprendre, être obligé d'apprendre à parler avec l'homme en respectant constamment sa conscience. Et plus vous allez être capable de respecter sa personne, sa conscience, son état psychologique, son état psychique, plus vous allez pouvoir communiquer avec, plus ça va être facile de parler avec, et vous serez plus seul, et à ce moment-là, le problème karmique dans vos relations sera purement relatif, et avec le temps, il s'ajustera, parce qu'éventuellement, quand votre lien aura fini son temps, quand vous n'aurez plus besoin techniquement d'être dans la vie de ces personnes-là seront amenées, seront sorties de votre vie par d'autres événements, et ils continueront leur chemin eux-mêmes. Et ceux qui devront rester dans votre vie resteront dans votre vie, mais les gens resteront dans votre vie ou ils partiront pour des raisons qui seront différentes de celles qu'aujourd'hui vous interprétez. Ça marche? C'est très intéressant de parler avec le monde, c'est très intéressant de parler avec l'homme, puis les gens sont intéressés. Moi, j'en rencontre du monde, des étrangers dans le monde, des gens qui ne me connaissent pas. Puis si je veux parler avec eux autres, c'est très, très facile, seulement il faut que je les respecte. Dans leur état. Je ne veux pas commencer à leur remplir le cerveau avec du Bernard de Montréal. Fait que si le gars s'intéresse au hockey, mais je vais parler du hockey, même si je sais rien. Puis, s'il s'intéresse au football, comment que ça serait un criminel? Je vais lui demander comment est-ce qu'il a fait son dernier crime, c'était intéressant. Puis lentement, mais là, je vais rentrer dans des affaires un petit peu plus sérieuses. Mais si je commence si je rencontre un criminel, puis que pour moi, c'est un être astral, puis il est inconscient, puis je dis, toi, t'es astral, t'es un être satanique, mais là, c'est fini. C'est évident qu'il n'y aura plus de relation, puis il n'y aura même pas de lien karmique. Fait que, prenez ça aisé quand vous rencontrez du monde. Surtout quand vous êtes intelligent. Vous êtes intelligent, vous êtes très sensible. Les gens parmi nous autres qui sont, ben, vous êtes tous intelligents à différents degrés, mais il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Il y en a qui ont plus de feu que d'autres. Il y en a qui ont plus d'angle droit que d'autres. Il y en a qui ont souffert plus que d'autres. Alors, ces êtres-là qui sont un petit peu, je dirais même les souffre-douleurs de l'humanité ou d'une condition, mais apprenez à vous couler, apprenez à prendre saisir, apprenez à réaliser qu'il y a bien du monde qui souffre. Ils ne souffrent pas comme vous, c'est une autre sorte de souffrance. Leur souffrance pour vous, c'est qu'il n'y a rien là. Puis, mais peut-être que votre souffrance pour eux autres, il n'y a rien là. Fait que, à ce moment-là, vous allez vous prendre moins au sérieux dans votre souffrance. Vous allez pouvoir communiquer avec le monde. Vous allez réaliser que les gens adorent parler avec des gens qui ont quelque chose à dire. Seulement, si vous ne le faites pas comme il faut, parce que vous avez trop d'angles droits, que vous prenez trop au sérieux, que votre personnalité est trop forte, puis que vous vibrez trop comme des Harley Davidson, mais c'est évident qu'ils vont se cacher dans leur trou. C'est un exercice en conscience, parler. C'est une science. On commence à parler. Ça fait partie de cette science-là. Quand on est rendu qu'on parle, on ne parle plus à partir de notre ego. Là. Ça parle tout seul. Là. Puis on s'entend parler. Alors, ça, si on connaît ça à travers du monde, mais faut être très conscient de là. N'oubliez pas une chose, hein, que le mot de passe de l'évolution, ça sera l'absence de domination. Si vous voulez caractériser l'évolution, ça sera l'absence de domination. L'homme ne dominera pas la femme ne dominera pas l'homme, les hommes ne domineront pas les hommes, il n'y aura pas de domination entre les êtres conscients. Ça, c'est la grande marque de l'évolution. Dans l'évolution, ça a été le contraire. La femme a été dominée, les hommes ont dominé, les êtres ont dominé les autres. C'est l'histoire de l'évolution. Les guerres sont les résultats de la structuration hiérarchique de la domination. Puis c'est ça qui représente sur la Terre le principe luciférien. Au nom de toutes sortes d'idéologies, au nom des églises, au nom des rois, au nom de Dieu, au nom du Christ. Alors, dans l'évolution, il n'y aura pas de domination. Fait que si vous voulez commencer à appliquer le principe de la non-domination, bien, commencez à l'appliquer au niveau de votre parole. Parce que c'est là que vous allez réaliser jusqu'à quel point vous êtes dominateur. Moi, j'ai déjà dit à Daniel Ménard, que je respecte énormément, c'est un de mes grands amis, j'ai dit, tu parles de la non-domination depuis des années, j'ai dit, sais-tu que même toi, tu domines. Tu domines par ton intelligence. Tu as toujours raison, tu as toujours une réponse. Puis c'est ma femme qui a fait remarquer ça un jour. Tu as une réponse. Tu dis quelque chose, prouf, il y a une réponse. C'est comme un computer, prouf, il y a une réponse. Tu dis pète, il dit pépette. Il y a toujours une réponse. Fait que si... S'il parle avec quelqu'un qui est moindrement timide de lui, tu sais, ainsi de suite, ben, il va toujours avoir raison. Fait qu'il va dominer la situation par sa nature. Fait qu'il faut qu'il prenne du recul, puis il faut qu'il donne la chance au gars qui est un petit peu plus gêné, un petit peu plus timide, de parler. Puis c'est ce qu'il a fait en donnant des cours. Il a donné des cours où les gens parlent entre eux autres et où lui se retire. Donc, il était capable d'éliminer, de diminuer, puis de ce principe de domination-là qui fait partie de l'intelligence. L'intelligence, ça domine! Moi, j'ai rien qu'à parler, puis je domine. Fait que comme je domine, rien qu'à parler, il faut que j'apprenne à fermer ma gueule. Fait que quand je rencontre du monde qui me parle, ou des petits gens qui me parlent, mais je ferme ma gueule, puis je les écoute. C'est comme ça que j'ai réglé le problème de domination. J'ai écouté ma femme pendant des années, ma femme m'a tossé ça, la domination. Elle dit, mon tabarnak, tu ne domineras pas. Ben! Bernard de Montréal, pas de Bernard de Montréal, fuck you, tu ne domineras pas. Ben! Fait que j'ai appris comme ça, j'ai fermé ma gueule, quand même dit ça. Parce que... Fait que j'ai dit, elle a quelque chose à m'expliquer, là, Chris, là. Fait qu'après ça, ben, j'ai pris cette expérience-là, je l'ai intégrée, puis je voulais la retransmettre, ainsi de suite. Tout ce que je parle dans les livres, je l'ai vécu. Fait que c'est ça l'affaire. Faites attention si vous êtes intelligent. Si vous êtes intelligent, apprenez une chose, vous n'êtes pas habitué à être intelligent. Ça va vous prendre des années pour en arriver à vous habituer à être intelligent. Des années. plus vous allez avoir une conscience vibratoire. Plus vous allez être obligé de vous tourner, puis prendre du recul. Finalement, vous allez réaliser qu'il y a du monde autour de vous qui sont intelligents aussi, mais ils n'ont pas votre feu. Donc, si vous les écoutez pas, parce que vous êtes toujours à 175 degrés Fahrenheit, mais c'est évident que ces gens-là vont pas. C'est comme ça que ça marche. Tandis que dans l'évolution, c'est le contraire. Ben, l'intelligence dans l'évolution, c'est hiérarchique. Jusqu'au doctorat. Quand tu avais un doctorat, ou que tu étais un curé, ou que tu étais un cardinal, ou que tu étais un pape, ben, tout le monde fermait leur gueule. Dans l'évolution, c'est fini. Tout le monde va crier. Donc, si tu n'as pas quelqu'un, tu rentrais, pouf, une balle dans la tête, boum! En Chine, c'est le problème qu'ils ont. C'est fini, l'Internet. Le plus grand sauveur de l'humanité, ça va être Bill Gates. Bill Gates va avoir fait plus pour l'évolution de l'humanité que Nébri. Communication. Transmission d'informations. Si vous êtes intelligent, faites attention, vous êtes dangereux. Si vous n'êtes pas intelligent, vous êtes flat, vous deviendrez. C'est une illusion. Vous n'êtes pas. C'est parce que vous ne donnez pas la chance de l'être. Puis peut-être c'est parce qu'il y a du monde qui ne vous a pas donné la chance de l'être. Fait que. Si vous êtes intelligent, puis vous vibrez, là, puis on vous identifie dans un groupe, là, donnez la chance aux autres. Parce qu'il y en a naturellement qui vont s'écraser. Donc à ce moment-là, c'est là que vous allez faire l'erreur dont on parlait tout à l'heure. Vous allez penser que vous êtes intelligent seul, puis un jour, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous mettre à votre place. Bam! Là, vous allez apprendre quelque chose. Ou vous allez arrêter instantanément d'évoluer. Si ma femme m'avait pas mis à ma place, puis qu'elle m'avait pas dit, bon, ben, toi, là, c'est fini la domination. Bam! Puis j'aurais boqué, là, ça aurait été fini, j'aurais cessé d'évoluer. Mais j'ai fermé ma gueule. J'aimais ma femme, puis j'aimerais toujours ma femme. J'étais capable de. Allez, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je suis allé par en dedans, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Mais là, on fait comprendre que ça veut dire. Ça veut dire que ton intelligence, ta présence est grande, il faut que ça contienne, il faut que ça contrôle, pour que l'autre puisse avoir avec toi de l'échange. Sans ça, il n'y a plus d'échange. Ça veut dire. Fait que si vous êtes intelligent, checkez-vous. Vous êtes déjà un danger à l'humanité. Alors que vous devriez être, pour l'humanité, une source de vie et d'intelligence. Il y en a bien du monde avec qui j'aimerais parler des beaux intellects, puis des gens qui ont des belles intelligences, des doctorats. Mais c'est pas par là. Il y en a qui sont par là, il y en a qui sont pas par là. Donc, du monde de même qui sont pas par là. Tu veux rien savoir avec ça? Puis dans ce temps-là, ils sont mieux de ne pas me rencontrer. Parce que là, je deviens terrible. Donc, si vous êtes intelligent, prenez conscience que votre intelligence n'aura de la valeur créative que lorsque vous en aurez le contrôle. Puis avoir le contrôle de votre intelligence, c'est d'être capable de laisser une autre intelligence interpénétrer, interreliée, interconnectée avec la vôtre, pour que vous puissiez ajuster vos angles droits. Parce que ce n'est pas vous autres seuls, individuellement, qui allez être capables d'ajuster vos angles. Vous n'ajusterez jamais vos angles seuls. Moi, je suis un initié, je n'ai pas été capable de le faire, ça a pris ma femme pour me le faire voir. Ça prend une opposition. Donc, votre femme, vos amis, les gens les plus proches de vous autres, que vous aimez, sont vos meilleurs guides pour ça. Si vous ne prenez pas conscience de ça, vous ne vous en prenez pas avantage. Mais c'est évident que vous allez être techniquement des échecs à ce niveau-là. Parce que de la conscience, c'est une science qui permet à un être de faire une gestion de plus en plus perfectionnée de son moi. C'est ça de la conscience. C'est pas l'affaire d'écrire des livres, puis de parler des âmes dans le purgatoire, puis parler des mondes parallèles. Ça, c'est un sous-produit de la conscience. Mais de la conscience, c'est la capacité de faire une gestion de son énergie. Un homme qui est capable de faire la gestion de son énergie, quel que soit ce qui se passe sur le plan matériel, au niveau expérientiel, il est capable de passer à travers, et c'est ça que j'appelle être libre. Je vous mets en garde contre votre intelligence. Si vous êtes intelligent, faites attention. Je connais un type, moi, qui se passait bien, bien intelligent, là, il y a quelques années, là. Puis, il s'est suicidé, là, ça fait pas longtemps, là. Il s'est fait astraliser au point, il est obligé de se suicider. Il était capable de supporter l'astral de sa conscience. Il s'est fait sauter. Ben. Surtout quand vous avez une conscience occulte, là, vous travaillez en commun, vous êtes en relation avec les plans, prenez de la distance. Le respect de l'homme, c'est fondamental, c'est nécessaire, c'est ce qu'on a manqué pendant l'évolution, c'est pour ça qu'on a été tellement mal éduqués, on a été tellement mal avertis, supportés, qu'aujourd'hui on n'a plus d'identité. Tout le monde a pris sur nous autres le pouvoir au lieu de nous le donner. Quand vous êtes trop intelligent, vous enlevez à l'autre du pouvoir. Être intelligent, c'est y donner du pouvoir. Être intelligent, c'est donner à l'autre du pouvoir. Il va vous le remettre. Mais si vous le prenez, puis vous prenez toujours le pouvoir, ben à ce moment-là, vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes simplement des sortes de vampires qui utilisent un intellect bien formé pour avoir sur le monde une certaine suprématie. Ben ça, vous pouvez faire ça avec des gens inconscients, mais vous ne ferez jamais ça avec des gens conscients. Je regarde lui, je connais cet individu-là au niveau de son individualité. Essayez pas d'y enlever son individualité. Parle avec lui, bullshit avec lui, fais ce que tu veux, fraternise avec lui, mais touche pas à son individualité. Tu touches à son individualité, il crisse son camp. Fait qu'il se protège. C'est ça être intelligent. Mais si vous êtes intelligent, puis que vous êtes en relation avec lui, puis que vous essayez pas de dominer sa conscience, il devient votre ami. C'est comme ça que ça marche. Faites attention si vous êtes intelligent. Avec des êtres conscients. Avec des êtres inconscients, vous ferez ce que vous voudrez. C'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec des êtres inconscients, ils vont prendre des fous. C'est ça que je voulais dire. Que vous soyez englobé par votre astralité, c'est normal. À différents degrés, c'est normal. Quand vous en prenez conscience, il y a un processus de libération qui se fait. Si vous n'en prenez pas conscience, il n'y a pas un processus de libération qui se fait. Il faut toujours qu'il y ait un processus de libération qui s'exécute quand vous prenez conscience de votre astralité, que ce soit à n'importe qui, quel niveau, que ce soit n'importe qui. C'est pas, j'ai rien contre le fait que l'homme soit astralisé. Ça ne me dérange pas. Ça fait partie des structures du moi. Ça ne me dérange pas. Bon. Mais ce qui me dérange, c'est que quand l'homme est astralisé, il ne s'amène pas, à travers cette expérience-là, à se rendre plus libre. Soit se rendre plus libre lui, ou rendre plus libre les autres. Si vous travaillez, si vous utilisez votre astralité pour vous rendre plus libre individuellement ou pour rendre l'autre plus libre, à ce moment-là, vous n'en aurez plus éventuellement de problèmes d'astralité parce que votre corps mental ne sera plus magnétisé. Et à ce moment-là, vous allez avoir une conscience de plus en plus certaine qui va vous envoyer toujours le signal que vous êtes toujours intelligent. Quelle que soit son apparence, sa manifestation. Mais il faut que votre conscience est astralisée, il faut qu'il y ait, au bout de ça, un processus de libération de vous-même ou des autres. Ça, c'est la clé. C'est la clé. Sans ça, si vous ne faites pas ça, bien, c'est évident que votre conscience va devenir de plus en plus astralisée, puis de plus en plus astralisée. Mais si vous êtes conscient de la libération, je vous donne un exemple pour expliquer ce que je veux dire. Si tu as une femme qui est jalouse, bon, une femme est jalouse, bon, ça c'est de l'astral. Fait que, si elle est jalouse, j'ai rien contre le fait qu'elle soit jalouse, c'est pas un problème. Mais si elle est capable de se libérer, elle, de la jalousie, et de libérer son partenaire, à ce désastre-là. Je vous donne un exemple, là, pour répondre. C'est toujours la volonté de rendre libre. Puis je prends la jalousie parce que c'est le plus. C'est un terme qui indique la possession, là. Donc c'est très astral, mais je le donne comme principe. Mais que vous libériez l'autre et que vous vous libériez, c'est rien que ça que vous avez besoin de savoir en ce qui concerne l'astral. Vous n'avez même pas besoin de savoir d'où ça vient, qui c'est qui vous rend de maître. Ça, c'est sans importance. Ce qui est important, c'est que vous rendiez toujours l'autre libre et que vous vous rendiez en même temps libre. Fait quand vous faites ces deux mouvements-là en même temps, d'une manière complémentaire, vous détruisez votre astralité et un jour, vous n'aurez plus. Fait que je vous salue, puis je vous dis que ce livre-là, je l'aime bien parce qu'il est beau. Bye!